Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la peur du grand méchant Bug de l'an 2000. L'histoire de la fin des temps est vieille comme le monde. De la Bible aux légendaires terreurs de l'an 1000, des prophéties de Newton aux prédictions Maya, l'apocalypse sait se faire attendre, c'est une seconde nature, et continue de nourrir les fantasmes. Il y a 20 ans, le passage au troisième millénaire n'a pas échappé à la règle. Cette fois, pas d'astéroïdes en vue, ni de châtiments divins ou de peste noire, mais juste une vilaine chose invisible et rampante logée au cœur des ordinateurs. C'est le bug de l'an 2000 qui menace de renvoyer les systèmes informatiques à la date du 1er janvier 1900, créant moult problèmes. Parmi les prédictions les plus hystériques, des pannes de courant massives, des avions qui allaient s'écraser, les usines s'arrêter, les télécommunications s'interrompre, et plus si affinité avec l'angoisse. Les gouvernements dépensent alors des milliards. Les plus craintifs se construisent des abris de survie, quand d'autres préfèrent se rassurer en criant mensonges médiatiques. Le 1er janvier 2000, l'affaire est réglée, comme prévu, enfin si j'ose dire. Le bug n'a pas eu lieu. Mais au-delà de la naïveté et des croyances irrationnelles des uns et des autres, cet épisode aura eu le mérite de mettre en lumière, et pour la première fois, notre dépendance accrue à la technologie avec ce constat préoccupant, nous ne maîtrisons plus complètement nos créations. Notre invité, Jean-Brie Gabriel Ganassia, philosophe, professeur d'informatique et président du comité d'éthique au CNRS. Son dernier ouvrage scientifique intitulé « Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle ?» est publié au Seuil en 2017. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Coyenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. L'an 2000. Quel visage ça aura, l'an 2000? Il y a quelque chose d'un peu magique dans cette expression-là. L'an 2000, pour nous, ça veut dire la concrétisation d'un peu tous nos rêves, tous nos espoirs, de tous nos désirs. C'est un peu, au fond, quelque chose qui ressemblera à l'âge d'or, si vous voulez. En l'an 2000, vous pourrez, madame, transmettre instantanément votre commande manuscrite par téléscript. Les Français ont une vision à la fois optimiste et raisonnable de l'an 2000. De quoi cet avenir sera? Pour moi, l'avenir se tente comment. Ah, qu'il était beau l'an 2000, quand il était encore loin. Nous sommes alors au cœur des années 60 et l'heure est à l'optimisme. Après un demi-siècle de guerre et de disette, la France dit au revoir aux années noires et plonge dans l'euphorie des Trente Glorieuses. Croissance économique, prémisse de la société de consommation, essor de la scolarisation et de la mobilité, tous les voyants sont au vert et la grande marche du progrès semble inexorable. De quoi imaginer des lendemains qui chantent? L'an 2000 prend alors des allures d'utopie, un mythe qui fleure bon espoir, le rêve ou la science-fiction. Les archives télévisées de l'époque sont alors autant de pépites que l'on redécouvre aujourd'hui, sourire en coin. Architectes, médecins, biologistes, physiciens, électroniciens, sociologues, artistes, devant la caméra, ils imaginent les villes flottantes et les voitures volantes, la téléportation et le téléachat, les hologrammes et le clonage, les robots ménagers et la fin du travail, la vie éternelle et la vie sur Mars. On est parfois surpris, cela dit, par leur perspicacité, portée par les avancées de la science et de la technique, par leur imagination aussi. Mais ceux à qui on préfère tendre le micro, ce sont les enfants, eux qui auront sûrement la chance de connaître l'an 2000. Comme ici, en 1962, Florilège. Dis-moi, ce sera beau l'an 2000? Oui, je suis. T'es content, toi, de vivre l'an 2000? Oui. Tu vas le vivre, tu vas avoir 50 ans l'an 2000. Oui, c'est ça. Hein? Comment ça va être? Ben, t'auras changé déjà. L'an 2000, c'est irréel. Quelque chose qui deviendra un peu inhumain. Qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant. Ce sera pas beau? Non, non. Pourquoi ce sera pas beau? Il y aura des maisons partout. Et le coin de verdure, tu en vois des coins de verdure quand même? Non. Je vois des immeubles en plastique. Avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance. Dis-moi, tu vois un véhicule pour l'avenir? Oui, une espèce de petite sphère. Avec une bille à la base. Qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout. Qu'est-ce que tu vois comme carburant? Du carburant, un gaz qu'on trouvera sur la Lune. Confort, sécurité, santé, loisirs, liberté d'aller et de se divertir. Telles étaient les figures que le siècle passé envisageait pour le nouveau millénaire. Où diable sont-elles passées? Car à mesure que l'échéance approche, les fantasmes laissent peu à peu la place à la réalité, Le choc pétrolier de 1973 marque ainsi une rupture forte. Car avec lui, c'est tout le modèle économique des années d'après-guerre qui s'effrite. En France, la croissance est terminée et le pays entre de plein pied dans une période de crise dont elle ne sortira jamais vraiment. Fermeture d'entreprises, chômage, inflation, récession, précarité, exclusion, pire. Pour la première fois peut-être, les Français prennent conscience des périls écologiques qui les guettent. De quoi à présent basculer dans le pessimisme. Près de 4 milliards aujourd'hui, 7 milliards d'hommes en l'an 2000, la bombe P, la bombe population, fera-t-elle exploser le vaisseau spatial Terre ? Fini les rêves d'un monde meilleur, mais l'an 2000 reste un symbole porteur, dont les politiques s'emparent, à commencer par François Mitterrand. Le 31 janvier 1987, sur le perron du centre Pompidou qui fête ses 10 ans, le président de la République inaugure un drôle de tic-tac, baptisé Génitron. Sous ce nom sibyllin, une référence à l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline, se cache un gigantesque compte à rebours électronique qui égrène les secondes qui nous séparent de l'an 2000. Imaginé par les architectes François Scali et Alain Domingo, le Génitron se présente alors comme le premier monument commémoratif d'un événement futur, une métaphore de l'écoulement linéaire du temps. Plus conceptuel, tu meurs, mais l'initiative ne manque pas de charme. Pour appuyer sur le bouton rouge de ce long décompte, 407 millions de secondes, François Mitterrand est accompagné d'un petit garçon de 7 ans. 7 ans en 1987, cela signifie 20 ans en l'an 2000. Symbole. La presse applaudit, le public adhère. Désormais, rendez-vous est pris régulièrement sous l'horloge du millénaire. Mais 9 ans plus tard, le 6 août 96, à 107 millions de secondes de son objectif, le Génitron est débranché puis retiré de Beaubourg pour cause de travaux. Après quelques mois d'absence et d'oubli, l'horloge est finalement réinstallée place de la Bastille. Entre-temps, un décompte similaire, en jour, cette fois, est venu lui faire concurrence au deuxième étage de la Tour Eiffel. Inaugurée dans la nuit du 5 au 6 avril 1997, la ville de Paris a vu les choses en grand. Feu d'artifice, petit four et chaîne de télé en direct. Direction maintenant la Tour Eiffel où dans 35 secondes va commencer le compte à rebours de l'an 2000. Stéphane Dubin, alors est-ce que la fête est là? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les 12 feux d'artifice sont donc tirés pour marquer les 12 coups de minuit. Énormément de monde, donc les télés du monde entier sont présents, beaucoup de photographes. Et donc après ces 12 coups, sera illuminé le compteur qui est donc situé au deuxième étage de la Tour Eiffel. À mon chronomètre, il reste une seconde. Voilà. J'ai moins 1000 avant l'an 2000. Vous le voyez juste, il est en train de s'illuminer. J-1000 avant l'an 2000 sur le monument donc le plus visité au monde. Pour certains, ces décomptes dérisoires ne semblent annoncer rien d'autre que la dernière grande bringue du siècle. Pour d'autres, ils sont devenus depuis peu le compte à rebours d'un chaos à grande échelle. La propagation annoncée d'un virus infernal, connu sous le nom de Bug de l'an 2000, ou Bog, en version française. Une vieille histoire, racontée à la veillée par les informaticiens et qui jusque-là faisait sourire. Petit retour en arrière. Dans les années 60, au balbutiement de l'informatique, les ordinateurs sont immenses. Et chaque fragment de mémoire, stocké sur des cartes perforées, coûte extrêmement cher. Ainsi, par économie de moyens et de place, les programmateurs prennent-ils l'habitude de coder l'année avec les deux derniers chiffres. Ainsi, l'année 1962 devient 62, qui, soit dit au passage, fait partie du langage courant. 62 au lieu de 1962 d'ailleurs. C'était suffisant, tout le monde savait qu'on était au XXe siècle. Mais ce n'était pas très prospectif. Car si l'an 2000 est supérieur à l'an 1999, 00 est inférieur à 99. Une date qui risque alors d'être interprétée comme étant l'année 1900. Voilà. Tout le problème de l'an 2000 réside dans l'absence de ces deux malheureux octets. En mode léger, ça donne le monsieur centenaire convoqué à l'école primaire parce que le recensement informatisé a confondu sa naissance en 1893 avec celle d'un gamin de 1993. Mais cela peut aussi engendrer des conséquences plus graves. Comment réagiront les ordinateurs? Bonne question, refuseront-ils toute instruction? Cesseront-ils toute activité? Détruiront-ils des fichiers? C'est alors le règne de l'incertitude, comme l'explique Patrick Lagadec, chercheur au CNRS. Personne aujourd'hui n'est capable de poser un diagnostic précis et définitif. Et celui qui attendrait des preuves aurait comme un problème parce qu'on aura ces preuves beaucoup trop tard. Incertitude sur est-ce qu'il y aura un problème technologique, est-ce qu'il y aura un problème d'information, est-ce qu'il y a un problème de communication, est-ce qu'il y a un problème de perception. Tout cela sont une foultitude d'incertitudes qui peuvent fabriquer de la crise. Et si l'on est sûr de rien, mieux vaut prévenir que guérir. D'ailleurs, dès les années 70, quelques spécialistes appréhendent déjà le problème. L'ingénieur américain Robert Bemer, alors employé d'IBM, insiste auprès de ses patrons pour ramener les années à 4 chiffres dans le langage informatique. Bon, ces avertissements sont tournés en dérision après tout. Pourquoi faire maintenant ce qu'on peut remettre à 20 ans et des milliards de dollars plus tard? En 1984, bis repetita, Jérôme et Marilyn Murray publient aux États-Unis un livre intitulé « Ordinateur en crise » ou « Comment éviter l'effondrement à venir des systèmes informatiques ». Mais encore une fois, peu de gens y prêtent attention. Pourquoi faire maintenant ce que... Enfin, vous connaissez la suite. Il faudra donc attendre 1993 pour qu'un informaticien canadien réussisse enfin à rallier les gens à la cause. Dans la revue Computer World, Peter de Jager publie un article retentissant intitulé « Doomsday 2000 », traduisez « Fin du monde 2000 », où il prédit la catastrophe si rien n'est fait. Et avec une comparaison qui frappe les esprits. « Avez-vous déjà été impliqué dans un accident de voiture » demande-t-il. « Eh bien, le temps semble ralentir lorsque vous réalisez que vous allez heurter l'automobile devant vous et il est trop tard pour l'éviter. La collision arrive. » Tout ce que vous pouvez faire, c'est la voir arriver. La communauté de l'informatique se dirige vers un événement encore plus dévastateur. Nous nous dirigeons vers l'an 2000. À la suite de cet article, le gouvernement américain enclenche enfin les premiers préparatifs, tandis que Jagger, lui, devient à plein temps une sorte de gourou Y2K, le nouveau nom américain du bug. En France, les médias entrent dans la danse 3 ans plus tard. Le 7 février 1996, le JT de France 3 consacre son premier reportage au bug. Ici, dans ces laboratoires américains, on rajeunit la technologie de milliers de programmes informatiques, en tout cas ceux conçus il y a une quinzaine d'années, où les mémoires occupaient beaucoup de place dans des systèmes qui, par économie, ne prenaient pas en compte les 2 premiers chiffres du siècle. Bref, tout ira bien jusqu'à l'an 2000, mais là, problème pour les systèmes les moins récents et non modifiés. Vu du côté machine, ici, on va passer à 0,0. Donc, physiquement, si l'on ne change pas la logique de la machine, nous allons nous retrouver au 1er janvier 1900. Donc ici, il y a cassure dans la logique, dans la progression au niveau des machines. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou tous les ordinateurs de France. La peur du bug est tellement importante que la plupart... Plus sûrement, on peut d'ores et déjà prédire que le bug de l'an 2000 deviendra l'un des plus formidables marronniers des 4 prochaines années. Des torrents d'encre et d'images prennent des allures de fiction, tant les journalistes s'amusent à imaginer les pires scénarios catastrophes. Dans les hôpitaux de Tokyo et de Londres, les moniteurs cardiaques et les scanners tombent en panne. À New York et à la Défense, les ascenseurs s'arrêtent entre 2 étages. Partout, les distributeurs de billets plantent, quand ce n'est pas une simulation de chaos mondial avec émeutes, incendies et crash d'avions. On fait le spectacle comme on peut. La peur du bug est tellement importante que la plupart des vols ont dû être annulés. Mais si c'était vrai? Dans le monde entier, on commence sérieusement à le penser et de grands travaux sont entrepris pour éviter la panne du siècle. En Europe, c'est le Royaume-Uni qui montre l'exemple. Début 98, le Premier ministre britannique Tony Blair multiplie les initiatives pour inciter les entreprises et les administrations à remettre leurs ordinateurs à l'heure, avec création d'une Task Force, organisation de conférences et fonds dédiés. Et il ne s'arrête pas là. En avril, il appelle à un plan d'action international et annonce que l'Angleterre va débourser 100 millions de francs, l'équivalent aujourd'hui de 20 millions d'euros, pour aider les pays les plus pauvres à chasser le bug, avant de rajouter près d'1 milliard au pot pour recruter 20 000 informaticiens spécialisés. Très tortue de la fable, la France, elle, ne semble prêter qu'une oreille distraite aux imprécations du lièvre anglais. En janvier 98, le Premier ministre Lionel Jospin se contente d'appeler les entreprises à réagir rapidement, au cas où elles auraient l'idée de réagir lentement. Autant parler pour ne rien dire, mais un mois plus tard, il nomme Gérard Théry, ancien patron des télécoms, monsieur en 2000. Donc, l'action après la parole, et surtout, l'apaisement, car telle est bien la couleur du pré-rapport, dormez tranquille. Mais à la fin de l'année, le ton change. En novembre 98, le même Lionel Jospin envoie une circulaire à tous les préfets de France, les alertant sur les dispositions urgentes à prendre, tandis que le ministre de l'économie, Dominique Strauss-Kahn, avance les premiers chiffres des coûts exorbitants que tout cela pourrait entraîner pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public. Pour les grandes institutions, les grandes entreprises ou les administrations, ça représente à peu près 25% du budget informatique. Donc pour l'État, je chiffre ça grosso modo en 3 ans à 10 ou 12 milliards de francs. Et c'est ainsi que l'apathie des premiers temps laisse place à une activité fébrile. Le ministre Strauss-Kahn va même jusqu'à déclarer qu'il est de plus en plus probable qu'il n'y aura pas d'avion le 1er janvier 2000. On n'est jamais trop prudent. En fait, tout équipement dont le fonctionnement fait appel à une horloge électronique interne est potentiellement concerné. Robots, chaînes de fabrication, machines-outils, fax, caisses enregistreuses, ascenseurs, digicodes, magnétoscopes, systèmes de sécurité et d'incendie, de contrôle d'accès, de gestion du chauffage, d'électricité, bref, tous les marqueurs de la vie moderne. Rien que ça. Et de quoi donner du fil à retordre aux administrations et aux entreprises. Les particuliers, eux, sont moins directement visés. En 99, un quart des foyers français seulement possèdent un micro-ordinateur et, sur les 5 millions d'internautes que l'on compte alors, la moitié d'entre eux ne se connectent qu'au travail. Enfin, chez les militaires, on ne plaisante pas avec cet ennemi supposé et embusqué dans les PC. Début 99, le général Michel Asensio, responsable des systèmes d'information des armées, annonce que le coût total du passage à l'an 2000 sera, pour le ministère de la Défense, d'un milliard de francs, environ 150 millions de nos euros. Plus de 800 personnes y travaillent à temps plein. Voilà. À moins d'un an de la date fatidique, la peur du grand méchant bug s'est infiltrée partout, jusqu'à faire figure de revanche des machines sur le monde humain. Au secours, gens de la raison. Autrement dit, scientifiques, venez soulager nos peurs, guérissez-nous de nos fantasmes. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Belle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Toutes celles qui contiennent une horloge, et ici dans cette usine, j'en vois plein. Démonstration, toute ta production, à la poubelle. Invendable. Tout ça, c'est moi. Attends, je peux arrêter toute l'usine. Tu ne m'échapperas pas. On se retrouvera le 1er janvier 2000. Ah, mais je fais le numéro. Agissez immédiatement. Et pour en savoir plus, 0801 31 2000. Ne laissons pas des machines nous compliquer l'an 2000. En mai 99, sur nos écrans de télé, le bug de l'an 2000 prend forme humaine, ou presque. Dans ce spot publicitaire assez énervant, il apparaît tel le mauvais génie de la lampe chez Aladdin, prêt à s'infiltrer sournoisement dans tous nos systèmes informatiques. Mais pas de panique, le gouvernement est sur le coup. Centre d'appel, brochures, cassettes VHS, Minitel et Internet, la campagne d'information anti-bug ne lésine pas sur les moyens. C'est la ligne Maginot 2.0. L'accent est mis sur les petites entreprises qui traînent la patte devant les montants colossaux à débourser. Il est plus que temps, mais encore temps pour les TPE de bouger, sinon c'est le bug qui s'occupera d'elle, prévient le ministre de l'économie Dominique Strauss-Kahn. Faut bien l'avouer, à quelques mois du troisième millénaire, on nage en pleine hystérie pré-bug. Outre-Atlantique, le magazine Time se demande en une, est-ce la fin du monde ? Ce qu'on craint le plus, le gel des ordinateurs, les erreurs bancaires et les pannes de courant. Le magazine Forbes évoque, lui, les prédictions des nouveaux survivalistes de l'an 2000. Quand l'horloge affichera 2000, le pays sera à court d'électricité, les trains ne rouleront plus, les banques s'effondreront et des hordes de citadins chercheront de la nourriture, écrit-il. Les sectes également font leur miel. En juin 98, des journalistes d'Envoyé spécial se rendent à San Diego, en Californie, au siège de la secte Inarius, qui, avec 100 000 adhérents, est l'un des groupes millénaristes les plus anciens aux États-Unis. Sa théorie, rien de moins que l'arrivée des extraterrestres. La première chose à laquelle les gens pensent quand on parle de l'an 2000, c'est quoi ? Le bug informatique. Et tout le monde ne parle que de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer juste après l'an 2000. Et qu'est-ce qui va se passer ? Exactement, l'atterrissage de soucoupes volantes sur la planète Terre. Nous allons avoir la fantastique chance de communiquer physiquement avec ces êtres venus d'une autre planète. Je pense que c'est formidable et j'espère que vous partagez mon sentiment. Un délire qui trouve un certain écho. Paniqués par le discours exagéré des médias et des prédicateurs, des milliers d'Américains se précipitent dans les magasins et les stations-service, histoire de se préparer au pire. La Croix-Rouge américaine en rajoute une couche, conseillant aux gens de retirer de l'argent, de faire le plein d'essence et de prévoir des méthodes alternatives de cuisson. La firme Camping Gaz a d'ailleurs prévu un kit dépannage spécial réveillon, sobrement intitulé Kit Millennium Bug 2000. Il comprend un réchaud, une lampe et une boîte d'allumettes, ne manque que la ration de topinambour. Parce qu'un ordi qui pense qu'on est en 1900, c'est aussi dangereux qu'un ouragan, mais c'est surtout nettement plus rentable. Oui, il y a un marché de la peur, un truc qui se vend bien et qui permet à certains de s'en mettre plein les poches. C'est le cas de l'entreprise Greenwich Mean Time, qui commercialise plus de 4 millions de copies de Check 2000, un logiciel qui prépare les ordinateurs contre le bug en moins de temps qu'il n'en faut pour boire votre café, dit la pub. Hollywood également s'intéresse à ce grand méchant bug. The Movie, pas vraiment resté dans les annales, jusqu'au plus réussi Haute Voltage avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, qui lui fait recette. Côté librairie, le bug de l'an 2000 devient quasiment un genre littéraire qui produit son lot de best-sellers ou de livres cultes, comme Surviving Y2K de Hamish Way, classé par sous-catégorie, conspiration, guide de survie, religion ou inclassable, comme ce guide à destination des femmes, oui c'est comme ça qu'il est vendu, sous-titré « Comment protéger votre maison et votre famille dans la crise qui vient ». En France, durant les derniers mois avant la Saint-Sylvestre, l'an 2000 et ses fantasmes nourrissent quotidiennement les gazettes. À l'heure de remettre les pendules à zéro, il y a comme une furieuse envie de synthèse, un besoin quasi névrotique de bilan, avec comme commune obsession l'image du compte à rebours. Les humoristes sans réel. Ici, Alain Chabat, présentateur du dernier JT de l'an 2000 sur la chaîne Comédie. Bonsoir. Alain Chabat pour ce dernier JT avant l'an 2000. Effectivement, dans quelques minutes, nous serons en l'an 2000. Je signale d'ailleurs à Optique 2000 qui vont bientôt avoir l'air con. Dans quelques minutes, donc, tout le monde sera habillé comme moi, avec des combinaisons argentées, des voitures qui volent et tout et tout. Je vous propose d'ailleurs de retrouver tout de suite à Vesoul notre envoyé spécial Nicolas, qui se trouve dans une soirée pré-an 2000, car le compte à rebours a déjà commencé, Nicolas. 886 8800 Et voilà, nous y sommes. 31 décembre 1999, quelques heures avant. Le champagne est au frais. Les cotillons sont de sortie, tout comme les journalistes de France Télévisions qui se lancent dans un direct de 28 heures, mieux que le Téléthon. À Paris, sur les Champs-Élysées, revêtus pour l'occasion d'un immense tapis rouge, c'est la dernière répétition avant le grand show. À la première seconde du nouveau millénaire, 24 grandes roues se mettront à tourner dans le sens de la pente de l'avenue et sans risque de bug, car chaque roue aura son autonomie énergétique, précisent les organisateurs. En 2000, J-6h. En fête de panne, on assiste à un gag. Le compteur installé depuis près de 3 ans sur la tour Eiffel tombe en carafe à la Saint-Sylvestre. Oui, 6 heures avant minuit et ne repart qu'après. Oups. Ce loupé énorme serait dû à un changement de programmation du compteur quelques jours auparavant. Oulala, mauvais présage. La France reste sur le qui-vive. Ce soir-là, quelques 100 000 informaticiens s'apprêtent ainsi à passer le réveillon au travail devant leur machine à surveiller leurs données au cas où un papillon de nuit déciderait de passer par là. Pour eux, c'est le salaire de la peur. Ajoutons à ces réquisitionnés du bug de l'an 2000, 73 000 policiers, gendarmes et militaires mobilisés pour guetter, en plus des voitures cramées et des fêtards éméchés, les éventuels mouvements de panique apocalyptique. En 2000, J-20 secondes. Alors tout le monde ici fait le décompte. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attention, 2, 1, top 2000. Bonne année à tout le monde, ça y est, regardez. Je vous souhaite la plus douce des années possibles. Très bonne, très heureuse année 2000 à vous tous. 1er janvier 2000, il est minuit et la France est brusquement transformée en une gigantesque clameur. Au cœur de la nuit noire, la foule exulte. Sur les Champs-Élysées, les roues foraines s'ébranlent, les voisins s'embrassent, la marche du siècle peut commencer, sans aucun bug à l'horizon. Au même moment, en effet, l'ONU annonce solennellement que 21 pays ont passé sans encombre le cap informatique du troisième millénaire. Voilà, tout ça pour ça. Après des années de mise en garde, rien, ou presque. Un peu partout dans le monde, des ordinateurs ont effectivement affiché l'année 1900, plutôt que 2000, mais sans conséquences majeures. En Australie, une machine a imprimé des billets d'autobus avec la mauvaise date, bon. En Allemagne, certains employés d'un opéra ont décelé des erreurs sur leur paye, ça c'est juste désagréable. En Angleterre, des chauffe-eau ont dû être rallumés manuellement, tu parles d'une fin du monde. Alors, le soupir de soulagement se transforme en petit doute. Aurait-on été berné? Parce que tout de même, en tout, la planète aura déboursé entre 200 et 300 milliards d'euros, dont près de la moitié aux États-Unis, pour neutraliser un bug qui ne s'est jamais manifesté. Si c'est un canular, ça fait cher la plaisanterie. En France, une petite polémique éclate alors sur la nécessité ou pas des sommes dépensées. Le 3 janvier 2000, au Conseil des ministres, Lionel Jospin se défend. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'épidémie qu'il faut remettre en cause les vaccins. C'est un bon mot, il faut l'avouer. Repris d'ailleurs par le nouveau ministre de l'économie, Christian Sauter. Nous avons mené, à l'échelle de l'ensemble du pays, une opération de prévention. C'est comme si vous me disiez que la vaccination ne servait à rien pour conjurer les maladies. Je crois qu'il y a eu une très grande mobilisation collective depuis 2 ans et que cette mobilisation a payé. Pour leur défense, les informaticiens expliquent que ce sont les alertes et leur énorme labeur qui ont fait du passage à l'an 2000 un non-événement. Bref, tout s'est bien passé pourtant. Pourtant, dans les pays qui n'ont quasiment pas injecté un sou pour contrer le bug, comme l'Italie et la Corée du Sud, le lendemain de veille ne semble pas avoir été plus difficile qu'ailleurs, sauf peut-être pour ceux qui ont bu comme s'il n'y avait plus de lendemain. Canular ou pas, la peur du bug de l'an 2000 aura quand même servi à quelque chose. Plusieurs gouvernements et entreprises ont fait dans leur parc informatique un ménage de printemps plus que nécessaire. Des spécialistes affirment même que les plans d'urgence élaborés à New York en vue d'affronter l'an 2000 ont été cruciaux pour maintenir la ville opérationnelle un an plus tard lors des attaques du 11 septembre 2001. Cependant, on a eu vite fait d'oublier cette histoire qui visiblement n'a pas fini d'embarrasser les pays concernés. aucun autre gouvernement, ni aucune agence privée ou publique n'a depuis ouvert d'enquête au sujet des sommes colossales investies. Non, on a préféré faire profil bas, un peu honteux. L'amateur de spatial pense au risque des tempêtes solaires, celui de science-fiction au danger des astéroïdes géants, mais il y a des dangers bien plus immédiats et réels, ceux-là. En décembre 99, l'Europe a eu à affronter deux catastrophes météorologiques et écologiques majeures. Les tempêtes Lodar et Martin, 140 morts, rappelons-le, et la monstrueuse marée noire de l'Erika, 400 km de côte souillée. Pour ce péril-là, pas de date fixe, non, le compte à rebours tourne toujours. Reste que cette peur du bug de l'an 2000 nous parle aussi de la peur de tout dans nos sociétés modernes. L'organisation sociale de la peur, même. La précaution érigée en principe, pour le meilleur et pour le pire. Un rapport à l'altérité sérieusement altérée, la peur de l'autre. Et puis, la demande sécuritaire qui ne cesse d'augmenter aux dépens du désir de liberté. Et si c'était cela, le bug des années 2000 ? Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le bug de l'an 2000. Notre invité, Jean-Gabriel Ganassia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur d'informatique et président du comité d'éthique du CNRS. Votre dernier ouvrage, scientifique est intitulé « Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle ?» Il était publié au Seuil en 2017. On va parler de l'intelligence artificielle. J'ai terminé ce récit par une considération qui se voulait vaguement philosophique, mais qui parlait des peurs. Cette histoire de bug de l'an 2000 nous ramène à des peurs ancestrales, des peurs anciennes, des peurs récentes, le bug de l'an 2000, et des peurs contemporaines. C'est quoi aujourd'hui l'homme? C'est j'ai peur donc je suis. Il y a eu toujours, depuis la nuit des temps, des peurs, mais justement, lorsqu'on sait exactement assigner quelque chose à ces peurs, dans le cas de l'an 2000, on a su très tôt ce dont il s'agissait, et donc les hommes avaient le temps de se prémunir contre ce qui advenait. Le véritable danger, c'est quand on ne sait pas d'où les choses viennent. Quelque chose advient qui nous surprend. Un an plus tard, un peu moins d'un an plus tard, en 2001, le 11 septembre, là, quelque chose est arrivé, par bien exemple. Sûr. Et puis, on a parlé des tempêtes aussi, qui ont eu lieu quelques mois avant. Là, effectivement, c'était des événements surprenants. Dans le cas de l'an 2000, on avait planifié, on avait prévu, on avait financé éventuellement tous les correctifs qu'il fallait mettre en œuvre pour éviter que cela advienne. Et bien sûr, le risque, c'est plus que ces grandes peurs masque les véritables dangers. Et alors là, bien sûr, c'est ce qui peut arriver très souvent aujourd'hui. Alors la parade, c'est la science. Comme d'habitude, c'est le monde de la raison face à celui de la croyance ou de la peur. Donc vous, dans quel état d'esprit vous étiez? Parce qu'à l'époque du passage à l'an 2000, vous me dites si je me trompe, vous étiez déjà professeur d'informatique à l'université Pierre et Marie Curie à Paris, c'est ça? Tout à fait. Bon, alors, c'était quoi votre état d'esprit, vous, personnellement? Eh bien, écoutez, moi, quand d'abord j'ai appris ça quelques années plus tôt, j'étais curieux, j'ai essayé de comprendre, je me suis rendu compte que effectivement, il y avait peut-être des petits inconvénients liés à ce passage à l'an 2000, mais enfin, rien de catastrophique. En même temps, c'était une forme de millénarisme, nous changeons de, non seulement de siècles, mais de millénaires. Et donc, il y avait de quoi s'inquiéter. Alors, j'avais, peut-être pour répondre à votre question, été sollicité par le journal Libération pour écrire un petit article sur le passage à l'an 2000. Mais avec quel angle ? Alors, moi j'avais pris comme angle, effectivement, de se demander quelle était la raison du bug de l'an 2000. Et ça tient au fait, vous voyez, que... Excusez-moi, la raison de la peur adossée au bug de l'an 2000 ou la raison du bug ? La raison du bug lui-même. Le bug lui-même, ok. On écrit les nombres en base 10. Et 99, on passait... C'est ce qu'on disait, c'est 0,0. Alors, moi... Ce que j'avais proposé comme solution, ça n'a pas été retenu, je le regrette un tout petit peu, c'est que on se fasse vraiment au monde numérique et qu'on arrête de compter avec 10 doigts. D'accord. Et donc j'avais proposé que on coupe les 9 doigts superfétatoires et un seul doigt qui est levé, coupé, plié, et ça aurait permis de compter et on n'aurait pas eu le problème, bien sûr. Ouais, on aurait tous été iti, mais bon. Bon, ça n'a pas été retenu, et peut-être c'est bon parce que le bug de l'an 2000 n'a pas eu d'effet aussi négatif que celui-là. Mais alors, bien sûr, un autre bug pourrait arriver après, c'est la taille des registres et de par exemple 12 bits, et à ce moment-là, c'est-à-dire 12 nombres binaires, bien sûr, au moment où on arrive à 2 puissance 12, on pourrait avoir un problème. Alors, en tout cas, 2 puissance 11, c'est 2048, vous voyez, ça peut être un problème. Je risque pas de vous contredire. 2 puissance 12, ça fait 2 fois ça. Donc ça, effectivement, on peut imaginer d'autres bugs de cet ordre-là, bien sûr, mais bon, si on les anticipe correctement, normalement, ça devrait pas être problématique. Il y a eu un autre bug aussi qui a été envisagé, le bug de l'an 2038. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça tient au fait que le temps est compté à partir de 1970 sur les ordinateurs. Et c'est compté en secondes. D'accord. Et bien sûr, au bout de 68 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on va arriver, alors on calcule le nombre de secondes, et ça fait à peu près la taille, ça fait 31 bits, et si on a compté sur des registres de 32 bits, mais si on risque d'avoir un débordement en 2038. Alors, on pourra se rassurer en se disant, oui d'accord, mais c'est 31 bits, alors 32 bits, ça fait deux fois plus, et donc, à ce moment-là, c'est pas 2038, 2038, mais 2116. Mais on pourrait avoir effectivement un autre problème de ce type-là. Ceci étant, d'ici là, on peut imaginer mais quand même qu'on sera passé à des registres de 64 bits. Et à ce moment-là, ça renverra ça à bien, bien plus loin pour nos arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Mais le fait que vous en parliez de façon si précise, bah, ça montre qu'on a largement le temps de réfléchir à ce qui n'est pas un bug. On est préparé, là. Ah, tout à vous fait. Vous avez fait les calculs. Tout à fait. Ben, c'est bien le rôle des scientifiques que d'anticiper les risques et d'essayer de trouver des solutions. À condition, bien sûr, que ce risque soit bien défini. Il arrive que certaines choses adviennent sans que nous puissions vraiment le savoir, parce que vous savez, un accident, hein, et on a parlé par exemple des accidents de pétroliers, hein, des marées noires, hein, tout ça nous surprend, et ça c'est beaucoup plus difficile à guérir. Les scientifiques ont beaucoup plus de mal dans ce cas. Bien sûr. On va écouter un autre spécialiste consultant en sécurité informatique, Vincent Balouet, interviewé au mois d'août 1999. Si les entreprises, les particuliers, les gouvernements, les pouvoirs publics, les pays modernes finalement, ne font pas le nécessaire pour corriger cette histoire avant l'échéance qui est fixe et inéluctable, on risque, parce que l'économie mondiale est dépendante de toutes ces technologies-là, on risque des défaillances extrêmement lourdes. Et donc il faut faire le nécessaire, et si le nécessaire est fait, il devrait y avoir, je dis pas aucun problème, enfin des dysfonctionnements tout à fait mineurs, c'est-à-dire votre carte bancaire si vous préférez. En revanche, si il y a trop de retard, si les gens ne sont pas suffisamment prêts, ou si on se laisse déborder par une accumulation de problèmes, là on risque une bonne pagaille qui peut durer quelques jours, quelques semaines peut-être. Voilà, ça c'est encore la parole du bon sens, la parole scientifique, concrète, voilà, si on prend... Les précautions, on a l'impression que ces paroles-là ont été moins écoutées que les paroles alarmistes. Alors, est-ce que, parce que on est aussi en quête d'aventure, on se dit, oh, 2000 arrive, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a eu ce phénomène-là d'écoute plus forte des fantasmes, finalement, que de ceux qui rassurent? Oh, certainement, mais bon, l'an 2000, comme vous l'avez dit tout à l'heure, était une année un peu mythique. Enfin, moi, j'ai le souvenir que lorsque j'étais enfant, mes grands-parents me disaient « Toi, tu connaîtras l'an 2000 ». Oui, on faisait des calculs, on se disait « Qu'est-ce qu'on sera vieux ?» Voilà, hein, « Qu'est-ce qu'on sera vieux ?» Oui. Et... En même temps, l'an 2000 a été surprenant, parce que il n'a pas été ce qu'on imaginait, hein, quand on regardait les gravures que l'on nous mettait sous les yeux quand on était enfant. Et même, on imaginait des avions dans les rues, oui, des sous-marins. Mais même Paris Match, vous savez, j'ai retrouvé des vieux numéros de Paris Match des années 60. Alors, à quoi ressemblera l'an 2000? Et puis on voit, c'est vraiment ce qu'on voit le plus, c'est ce qui saute aux yeux, les voitures qui volent. On évite les embouteillages, c'est formidable. Pardon, je vous ai coupé, je vous laisse finir. Oui, tout à fait. Donc il y avait tout ça, ou alors les gens qui vivraient sous l'eau, etc. Mais je crois que l'an 2000 a quand même été extraordinaire, et ça nous a surpris tous, parce que ce qui s'est passé, c'est l'avenue du web. Vous vous souvenez que celui-ci a été inventé en 89, mais les débuts du web, c'est un peu plus tard, parce que il a fallu qu'il y ait les premiers navigateurs. Mosaïque, c'est à peu près 93. Et le moment où ça commence vraiment à se populariser, et vous l'avez très bien dit, hein, on commence à avoir un quart des foyers qui possèdent Internet, ce qui est déjà énorme. Hein, et ça a été très rapide. Hein, et vous aviez d'ailleurs le boom de la net économie, hein, cette bulle spéculative qui va exploser. Absolument. Juste après. Absolument. Et donc, effectivement, on peut dire que l'an 2000, de ce point de vue-là, c'était vraiment l'an 2000, parce que tout d'un coup, ben, les frontières, les limites du monde sont totalement différentes. Hein. Nous rentrons dans un univers qui est totalement nouveau à l'an 2000. Bien sûr, les grandes ruptures de civilisation par la technologie, elles ne sont pas si nombreuses. Il y a eu la révolution industrielle, et puis je pense que l'autre grande révolution après celle-là, c'est la révolution numérique, on est bien d'accord, qui a changé le monde, avec toutes ses applications. Et donc l'an 2000 s'inscrit là-dedans. Tout à fait, okay. Tout à fait. C'est juste au moment de l'an 2000. C'est ça, oui, il y a parce une concordance de arithmétique. Si on avait demandé 10 ans avant qu'est-ce que va être l'an 2000, on n'aurait vraiment pas imaginé cela. Bon, nous, on ne l'a pas demandé au groupe Les Vents Passent, mais ils nous donnent quand même leur idée de ce que sera l'an 2000 à travers une chanson qui s'appelle tout simplement, comme le titre de l'émission, « Le bug de l'an 2000 ». Me fait la peine. T'avais un hippodrome. Parlons aujourd'hui dans l'affaire sensible du bug, enfin de la peur du bug de l'an 2000, puisque bug il n'y a pas eu. Jean-Gabriel Ganassia, vous êtes philosophe, entre autres, hein, mais philosophe, c'est pour ça que j'insiste sur cette qualité-là. Quel est votre regard sur la façon dont en France, par exemple, les politiques ont abordé le sujet? Moi, j'ai l'impression que, bah, d'abord, les politiques, ce ne sont pas des techniciens, donc ils n'ont pas ce savoir-là, on ne peut pas leur reprocher. Hein. Eux, leur mission, c'est la responsabilité, prendre des décisions. Alors, on a vu les atermoiements de Lionel Jospin, puis on a vu aussi l'alarmisme, certaines formes d'alarmisme, d'un des cerveaux pourtant les mieux faits de la politique française, qu'on est connu dans la politique française, Dominique Strauss-Kahn. Pourquoi des gens aussi intelligents vont aussi donner dans une peur, enfin, qui paraît comme tout à fait irrationnelle. Enfin. Oui, rétrospectivement, bien sûr, on peut se dire que cette peur est totalement irrationnelle. Mais juste avant, on ne savait pas, on se disait peut-être qu'effectivement, tout va être désorganisé du jour au lendemain, et ça pourrait avoir des effets extrêmement délétères sur l'ensemble de la société. Alors, bien sûr, lorsqu'on était informaticien, on était un peu dubitatif, c'est-à-dire que bon, j'avais du mal à imaginer vraiment que les avions ne voleraient plus, que les hôpitaux fermeraient, mais bien sûr, on aurait pu imaginer des inconvénients comme le fait qu'on ait du mal à recevoir son salaire ou des choses comme cela. Alors, ça fait l'objet ensuite d'un certain nombre d'investissements qui ont été assez positifs, puisqu'il s'agissait de mettre à jour l'ensemble des systèmes informatiques et de s'assurer que ben, ils seraient bien conformes aux normes. Nettoyage de printemps. Voilà, un nettoyage de printemps, et de ce point de vue-là, ça a été très très très très positif. Beaucoup d'équipes d'informaticiens ont travaillé sur cette question-là, hein, et je crois qu'il ne faut pas du tout le regretter. Hein, donc même si effectivement les investissements, lorsqu'on le regarde, c'est beaucoup, 150 millions d'euros pour domaine militaire, mais bon, en même temps, il faut de temps en temps faire un état des lieux et une jouvence de l'ensemble des systèmes informatiques, et c'est ce qui a été fait à ce moment-là. Donc ça a été, de ce point de vue-là, une bonne occasion, et je crois que personne ne le regrette. Alors après, bien sûr, il y a eu des excès extraordinaires. Hein. Il y a un marché de la peur. Tout à fait, vous l'avez dit tout à l'heure, vous me disiez, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a un marché de la peur, mais ce marché ne s'est pas épuisé, ne s'est pas arrêté au moment de l'an 2000. Hein. Et il y a de nouvelles peurs, bien sûr, hein, qui surgissent ici ou là. Hein. Vous savez qu'il y a une très grande peur qui est l'an 2045. Alors, ça n'a pas de rapport direct. Il y avait de l'an 2038 tout à l'heure, maintenant on est à 2045. Qu'est-ce qui se passe en 2045? Oui, alors 2038, c'était sur le calcul des durées. Hein. Et 2045, alors, ça n'a pas grand rapport, c'est plus lié à l'intelligence artificielle. C'est parce que un certain nombre d'informaticiens, plus exactement, au départ, c'était des mathématiciens qui, ensuite, sont devenus des auteurs de science-fiction, calculent que la loi de Moore, qui est la loi de croissance, de rapidité des processeurs informatiques, hein, se développe de façon exponentielle. Et ils calculent que, en 2045, les processeurs deviendront tellement rapides qu'ils le seront plus que nos propres cerveaux. Et donc, à ce moment-là, le statut de l'humanité va basculer. Ah bah oui. Hein, et nous allons être dépassés par des machines qui vont soit prendre le pouvoir. Soit prendre l'initiative. Prendre l'initiative. Soit éventuellement se greffer à nous. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir devenir immortels. C'est-à-dire, nous allons télécharger notre conscience sur des machines et poursuivre notre vie désincarnée. Voilà. Donc le fantasme d'immortalité. Hein. Exactement. Bon. Il est même donné parfois en médecine dans le rallongement de la vie à tout prix. Bon, ça, c'est le fantasme de l'immortalité. Alors, qu'est-ce qu'on a à craindre de l'intelligence artificielle, puisque vous en êtes un spécialiste? L'intelligence artificielle nous apporte beaucoup. Elle est certainement porteuse de dangers si on y prend garde. C'est quoi le bilan aujourd'hui? Enfin, le rapport d'étape. Bon, bilan. On est au début d'une évolution. Mais le rapport d'étape de l'intelligence artificielle et de toutes les applications que nous en avons tirées aujourd'hui. Alors, le numérique, d'abord, hein, puisque c'est bien ce qui nous a conduit à considérer le bug de l'an 2000. Hein. Au départ, on parlait d'ailleurs de l'informatique à l'époque. Hein. Le numérique est venu plus tard. Oui. C'est le moment où l'informatique se répand dans toute la société, dans tous les actes quotidiens. C'est lié téléphone, au développement du web. Hein. Donc, d'un côté, cela transforme notre vie. Et l'intelligence artificielle, qui est une discipline scientifique plus ancienne, qui date de 1956, va, bien sûr, profiter de ce développement du numérique, et elle va même devenir nécessaire parce que, avec le numérique, toutes nos activités, tous nos échanges vont être numérisés, transformés en flux d'informations. Et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir exploiter ces flux d'informations. Et toute l'économie contemporaine se fonde sur l'intelligence artificielle. Plus exactement, vous savez que les moteurs de recherche sont gratuits. Et les réseaux sociaux aussi sont gratuits. Alors comment fait-on pour gagner de l'argent avec du gratuit? On le fait avec de la publicité. Oui. Bien sûr, la publicité, si c'était que du gratuit, ça ne marcherait pas. Donc il faut des publicités particulières qui soient très rentables, c'est-à-dire qui vont avoir un taux de retour très important. Et pour avoir un taux de retour très important, eh bien, il faut profiler les utilisateurs, c'est-à-dire savoir quel est leur désir. Bien sûr. Et on fait ça à partir de toutes les miettes d'informations qu'ils laissent sur les réseaux, qui sont leurs requêtes, leurs désirs, leurs likes, etc. Et à partir de ça, donc, on va être capable de donner la publicité qui va leur correspondre. Et pour faire ça, ce profilage, eh bien, on le fait automatiquement avec des techniques d'intelligence artificielle. C'est la raison, effectivement, pour laquelle ce qu'on appelle les big data ou les grandes masses de données jouent un rôle aussi important aujourd'hui. Puis il y a bien sûr beaucoup d'autres applications, par exemple tout ce qui est reconnaissance faciale, tout ce qui est... Et vocal. Et vocal, bien sûr. Ouais, hein, ici, c'est l'univers du son. Donc ici, c'est l'univers du son. Donc il y a des aspects très, très positifs, mais puis des aspects, bien sûr, qui sont moins positifs. Hein. Je parlais de la reconnaissance faciale, bien sûr. On peut s'inquiéter de certaines applications. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une inquiétude majeure, prégnante, et celle du data, justement. De nos données, du cloud. Voilà, toutes ces données qui maintenant sont dans la nature. Nous sommes tous dans la nature de façon fragmentée, finalement. Exactement, parce que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le web, c'est ce par quoi l'ensemble de nos échanges va passer. Ouais. Et bien sûr, toutes ces informations, ben, elles sont quelque part, on ne sait pas très bien où, et certains les utilisent. Alors, le RGPD nous garantit qu'on peut en avoir le contrôle, mais la réalité fait que, en réalité, nous ne le savons pas. Ouais, mais ne tombons surtout pas dans une nouvelle peur. Ce sera le mot de la fin, Jean-Gabriel. Ganassia, merci infiniment. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la peur du bug de l'an 2000, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.